De la Bébélière à Thérèse. 2 octobre 1897. Lettre arrivée au Carmel après le décès de Thérèse le 30 septembre vers 19h30. Samedi. Ma chère et bien chère petite sœur, soyez heureuse, l'âme que vous aimez tant, et pour laquelle vous avez tant dépensé de prières, et de bonnes actions, a réalisé enfin, ou du moins presque entièrement, ses plus chers désirs. Votre frère, petite sœur, est missionnaire depuis un jour. À qui le doit-il? Dites, à Jésus d'abord qu'il a choisi, mais après lui, à ma bonne petite sœur du Carmel de Lisieux, à ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez gagné pleinement, car vous avez tout fait, par ma manière d'agir, je semblais déranger ce que vous avez fait, mais votre Jésus est si bon. Il vous aime tant qu'il n'a pu rien refuser à votre souffrance qui demandait miséricorde pour moi. Merci, du fond du cœur, bonne petite sœur. Je vous dois cet immense honneur d'être aujourd'hui le missionnaire de Jésus, et voyez comme il est bon. Il a voulu que vous soyez présente à ce triomphe de la grâce puisqu'il vous a conservé jusqu'à maintenant. Vous allez partir bientôt, petite sœur, vous allez venir bientôt vers votre frère qui vous attend ici. Jésus vous attend et moi aussi. Venez vite, si vous saviez comme l'Afrique est belle. Comme les pauvres Arabes sont à soulager. Si vous saviez surtout, oh comme je suis égoïste, comme votre frère a besoin de vous savoir près de lui, il ne sait comment il se trouve en si sainte maison, qu'il y a conduit. Comment s'est-il arraché de tant de liens si serrés, si charmants? Il n'y comprend rien et n'eût jamais pensé se trouver à pareille fête. Il se demande même quelquefois s'il ne rêve pas. Vous aviez prié beaucoup, beaucoup pour ma pauvre mère, n'est-ce pas? Elle a été admirable, demandez plutôt à notre vénérée mère, sa lettre complétera celle-ci. Aux 7 heures du départ, cette dernière bénédiction, au milieu des sanglots de mes amis présents, ma mère forte jusqu'au bout, m'envoyant à Dieu, je ne l'oublierai jamais. Si vous saviez ces ruses du diable, ces tentations, ces 1000 ressources qu'il déploya contre ma résolution une fois de plus, il a perdu. Vive Dieu! Maintenant, je suis à l'œuvre, il faut aller de l'avant, déjà je suis heureux. C'est rude, au début, mais tant mieux, quand ce l'est beaucoup, je pense que ce l'est davantage chez vous. Ainsi, nous couchons sur une simple paillasse, en mai ce sera sur la planche, cela me rapproche de vous et je suis heureux, bien heureux. Quand vous partirez pour le ciel, dites-le-moi, je vous attends impatiemment, désormais, que me reste-t-il sinon l'action, immédiate, de votre cher âme près, tout près de la mienne, car j'ai besoin toujours de quelque appui. Quand à ce moment vous me connaîtrez bien, vous verrez combien je suis misérable. Après votre départ aussi votre héritage qui sera un de mes plus chers trésors. Votre dernière image est ici, votre photographie est là, entourée de quelques autres, dont le cercle est bien restreint, ma mère et quelques amis, et aussi votre bon père, dans un cadre un peu beau et c'est tout, mes livres. Mon crucifix en attendant le vôtre. Ici, je n'ai pas de reliques, sauf du linge de la bienheureuse Marguerite Marie, j'attends aussi les vôtres. Vous voyez, c'est votre héritage, est-ce mal? Est-ce de la cupidité? C'est vous surtout que j'attends. Où en êtes-vous de l'état de votre santé? Viendrez-vous bientôt? Aujourd'hui j'envoie mon ange gardien vers le vôtre, et lui fait la même prière que vous chantiez naguère, lui demandant de vous avertir que j'entre en retraite demain pour en sortir le 10, par la prise d'habit, costume blanc, avec le rosaire autour du cou, c'est le costume arabe, gandoura, burnous, chéchia, le rosaire en plus, noir et blanc. Si vous êtes encore de la terre, j'aurai de la joie à vous jeter des fleurs, au 15 octobre, sinon, recevez celles, dès maintenant de ma respectueuse et fraternelle affection dans ma plus vive reconnaissance à jamais frère Louis. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.